50 languages. 96. 96. أدوات الربط رقم 3. Conjonction 3. Conjonction 3. سأنهض حالما يرن المنبه. Je me lève dès que le réveil sonne. Je me lève dès que le réveil sonne. أشعر بالتعب حالما أبدأ بالدراسة. Je me fatigue dès que je dois étudier. Je me fatigue dès que je dois étudier. سأتوقف عن العمل حالما أبلغ الستين. J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans. J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans. متى ستتصل بالهاتف؟ Quand appellerez-vous? Quand appellerez-vous? حالما تسنح لي الفرصة. Dès que j'aurai le temps. Dès que j'aurai le temps. سيتصل بالهاتف حالما تسنح له الفرصة. Il appelle dès qu'il a le temps. Il appelle dès qu'il a le temps. إلى متى ستعمل؟ Combien de temps travaillerez-vous? Combien de temps travaillerez-vous? سأعمل ما دمت قادرا على ذلك. Je travaillerai aussi longtemps que je le peux. Je travaillerai aussi longtemps que je le peux. سأعمل ما دمت بصحة جيدة. Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé. Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé. إنه مستلق على السرير بدل أن يعمل. Il reste au lit au lieu de travailler. Il reste au lit au lieu de travailler. هي تقرأ الجريدة بدل أن تطبخ. Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine. Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine. إنه يجلس في الحانة بدل أن يذهب إلى البيت. Il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison. Il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison. حسب علمي هو يسكن هنا. Autant que je le sache, il habite ici. Autant que je le sache, il habite ici. حسب علمي زوجته مريضة. Autant que je le sache, sa femme est malade. Autant que je le sache, sa femme est malade. حسب علمي هو عاطل عن العمل. Autant que je le sache, il est au chômage. Autant que je le sache, il est au chômage. لو لم أغرق في النوم لكنت في الموعد. Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure. Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure. لو لم تفوتني الحافلة لكنت في الموعد. Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure. Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure. لو لم أضل الطريق لكنت في الموعد. Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure. Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure.